L'infothèque de l'Université des chemins de fer de Pyongyang vient d'être inaugurée. Le service inaugural a eu lieu le 13 en présence des cadres intéressés, du personnel enseignant et administratif et des étudiants de l'université. L'infothèque est dotée de toutes les conditions nécessaires à l'enseignement, aux recherches scientifiques et à l'étude des étudiants, notamment la salle de lecture électronique, la salle de télécours, la salle de cours général et la salle audiovisuelle pour le cours des langues étrangères.